Salut à tous et bienvenue pour ce dernier volet de la Coupe du Monde de 78. Nous sommes dans le Rétro Podcast et avec nous toujours Rétroplay. Salut Rétro. Salut. Voilà, donc on avait terminé la semaine dernière sur le premier tour et là on va passer tout de suite au second tour. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier podcast, si tu veux Rétroplay, t'as qu'à nous résumer un petit peu ce nouveau système qui est apparu en 74 et qui n'est pas forcément un système très... comment on pourrait dire pas très cohérent et peu un peu une usine à gaz peu, voilà je, ouais, vas-y ouais. Je t'en prie, t'as qu'à dire un petit peu le ce système là ce qui est vraiment dommageable sur ces coupes du monde là 74 78 et 82 parce que c'était la dernière fois en ouais. 82 que ça a été testé. Bah c'est tout, c'est-à-dire que au lieu de faire des matchs à élimination directe à partir des huitièmes de finale, nos amis de la FIFA n'avaient rien trouvé de mieux que de faire deux groupes de donc là on est deux groupes de quatre équipes hein, puisque il y avait que 16 équipes en tout. Voilà. Et ces équipes-là se retrouvaient dans deux groupes distincts de quatre équipes. Alors déjà ce qui est pas cohérent c'est que bah c'est un peu tout mélangé quoi. Voilà, il y a pas vraiment de. Et donc on refait un peu une comme une Ligue des Champions si tu veux, hein, qu'il y a qu'une confrontation. Ça donc il y a pas d'élimination. Ça ressemble un petit peu si tu te souviens la Ligue des Champions début 2000, là 2001, 2002, ils avaient fait un peu ce système là. Premier tour et ben tu te requalifies pour une phase de groupe voilà. Intéressante. Mais moi ce que je voulais juste savoir avant que tu reprennes, c'est que est-ce qu'il y avait un tirage au sort ou c'était déjà prévu d'avance les équipes? Alors honnêtement, honnêteté, je pourrais pas te dire parce que j'ai fouillé partout pour essayer ouais. de comprendre ce système. Il n'est expliqué nulle part. Et pour avoir fait la Coupe du Monde 82, moi, c'est sur pire. PES. Elle est pire celle-là, je crois. Non, c'est pas pire le second tour de la Coupe du Monde 82. Ah ben oui, c'est encore pire. Ouais. C'est une usine à gaz vraiment encore pire. Et pour avoir créé, alors il y a très très longtemps, c'était en 2012. Ouais. 2012, j'avais créé la Coupe du Monde 82 sur PES 2013. Sur PS3. Je l'avais joué en intégralité. Et donc même moi, quand j'avais mes équipes qualifiées, j'avais galéré pour retrouver, pour essayer de comprendre comment ils avaient fait pour ma propre compétition. Ouais. Donc voilà. C'est assez surprenant. Bon, c'est une méthode qui a pas beaucoup marché et voilà, qui nuisait complètement au spectacle parce que du coup, il n'y avait pas d'élimination directe. Ouais. Et puis, c'était déjà pas très intéressant parce que tu as quatre équipes. Donc, on va prendre l'exemple du groupe A. 100% européen. Cours. Voilà. Donc, tu as Pays-Bas, Italie, Allemagne de l'Ouest, donc RFA et Autriche. Mmh. Et à l'époque, c'est le groupe de, on appellerait ça un groupe de la mort aujourd'hui, tu vois. Parce que Pays-Bas, on sait où ils sont allés. Ils sont allés en finale. L'Italie, ça a toujours été une valeur sûre du football mondial. Ouais. La RFA, bien évidemment, oui. Plusieurs fois championne du monde. Voilà. Et l'Autriche, quand même, à cette époque-là, 78, même en 82, avait une belle équipe. Ouais. Donc, et ces équipes-là s'affrontent. Et il n'y en a qu'un qui ira en finale. Donc, il n'y a même pas deux qualifiés pour aller en demi-finale. C'est directement un seul qualifié pour aller en finale. C'est complètement aberrant. Ouais. Voilà. Il y a un autre groupe de la mort quand même, le groupe B, c'est quand même un groupe assez relevé avec l'Argentine, le Brésil, la Pologne et le Pérou. Hein, c'est bon, il y a voilà. Ce second tour, il y a des très très bonnes équipes, mais on aurait préféré que ce soit en élimination directe, pour avoir plus de spectacles que là. Oui, surtout que la sentence dans ce type de groupe, elle est immédiate. Ouais. C'est que si tu perds ton premier match, T'es pas sûr, c'est fini. Très non, peu mais de chance. C'est fini, oui. C'est carrément fini. C'est carrément fini. Donc voilà, c'est et même si tu gagnes pas ton premier match, enfin c'est un non-sens total, c'est contre-productif pour moi. Vrai. Et d'ailleurs, ils ont quand même poussé ça jusqu'en 82. Mmh. Bon, en 82, ils ont quand même compris que de se qualifier directement pour la finale, c'était aberrant. Ouais. Donc puis il y avait 24 équipes en 82, donc ils étaient obligés de faire un autre système. Voilà. Mais là, en 78, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, on en arrive tout de suite donc à ce groupe A composé du Pays-Bas, de l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Autriche, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. On commence avec la première journée, Italie-Allemagne de l'Ouest. Ça se finit par un 0-0, mais l'Italie qui aurait pu marquer, notamment Bettega qui mange la feuille de match en loupant presque trois occasions, trois buts presque faits, quoi. Ouais. Voilà, ça se termine à 0-0, donc premier, Oui, et puis, première il faut dire. contre-performance, quoi. Oui, ben oui, et il faut dire que l'Allemagne de l'Ouest en 78 n'était pas en très grande forme. Ouais. Voilà. Ouais. C'était pas le rouleau compresseur qu'on a pu connaître sur d'autres éditions. Donc oui, 0-0, voilà, beaucoup de regrets pour l'Italie, et ça va leur coûter d'ailleurs la qualif, hein, Mais simplement. malheureusement, oui. Hein? Le deuxième match, c'est les Pays-Bas contre l'Autriche. Et là, les Pays-Bas qui écrasent une Autriche Ouais, Hein. Très faible défensivement. Hein. Je t'avoue que j'ai vu les buts il y a très peu de temps. C'est vrai que la défense autrichienne prend l'eau. Le stade en plus, bah, le stade est vide. Hein. À partir du deuxième tour, à part les matchs de l'Argentine, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas grand monde dans les stades. Alors, est-ce qu'à l'époque... les gens se déplaçaient pour aller voir la Coupe du Monde. Est-ce que avec cette histoire en Ita avec cette histoire du général Videla, est-ce que ça n'a pas un peu rebuté les supporters de venir en Argentine voir la Coupe du Monde? Oui, je pense. Puis bon, Sûrement, c'était hein. quand même loin. Il faut Ouais. savoir que là, on est vraiment loin. Hein. L'Argentine, par rapport à l'Europe, c'est super loin. Et puis, on n'est pas encore dans une démocratisation du prix des billets, des Oui. avions. Pas comme en 86, où là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, et puis, je pense que le défaut de cette Coupe du Monde, comme on l'avait un peu souligné dans les parties précédentes, c'est que c'est surtout la Coupe du Monde de l'Argentine, tout C'est ça, simplement. c'est C'est-à-dire ça. que, à part la ferveur populaire en Argentine, Ouais. les autres pays, bah, je te dis, voilà, il y en a qui sont là parce qu'ils peuvent pas décommander, parce que sinon il y a des sanctions. Bien sûr. Voilà, donc il y a beaucoup de stades qui sonnent creux quand même, hein, quand c'est pas l'Argentine qui joue, tout simplement. Tout simplement, ouais. On Voilà. passe à la deuxième journée où la RFA rencontre les Pays-Bas, donc remake de la finale 74. Et cette Ouais. fois, les deux équipes terminent sur un 2 partout. Voilà. Voilà. 2-2, donc là forcément l'Allemagne fait une très mauvaise opération. Ouais. Parce qu'elle n'a que 2 points. Et bah forcément, oui, c'est dans ce système de poule unique à une seule confrontation, bah c'est un très mauvais résultat. Et ce qui fait que déjà, à l'issue de ce deuxième match, l'Allemagne n'a déjà, quoi qu'il arrive, plus du tout son destin Pour la en finale, main. mais peut-être pour un match Voilà. de la troisième place, parce que les deux deuxièmes Exactement. se rencontrent dans le match de la troisième place, quoi. Oui, surtout que pendant le même temps, l'Italie bat l'Autriche 1-0. 1-0, ouais. Donc là, carrément, on sait que ben, ça va jouer entre les Pays-Bas et l'Autriche et l'Italie, pardon. Et d'ailleurs, donc ce Pays-Bas-Italie intervient lors de la troisième journée. Un Ouais. match superbe hein, entre deux belles équipes. Donc le Pays-Bas qui va remporter ce match 2 buts à 1 contre une belle équipe italienne. Il y a un fait de match, c'est un CSC, donc le but marqué par les Italiens en première période, l'Italie mène 1-0. C'est un but contre son camp et en fait si tu veux, bah, je sais pas, tu te souviens un petit peu de ce but? Non, honnêtement, non. C'est un attaquant italien qui a le ballon. Alors je me rappelle plus si c'est Rossi, ça doit être un des deux attaquants, qui va vers le gardien en fait, il est en un contre un, et si tu veux, t'as un défenseur batave qui tacle, et si tu veux, en taclant, bah, il pousse le ballon dans son propre but, et en même temps, D'accord. il blesse son gardien. Ah bah voilà. Voilà. Donc... Voilà quoi, c'est 1-0 pour l'Italie, mais alors après, voilà, t'as un superbe but. Juste avant, c'est Brandt qui marque, qui égalise d'une. En fait, les deux buts des Pays-Bas sont vraiment en dehors de la surface et sont vraiment très jolis. D'ailleurs, le but d'Ariane, je crois, a été sélectionné en tant que meilleur but du tournoi, hein, si je dis pas de D'accord. bêtises. Voilà, donc le Pays-Bas qui gagne ce match, et les Pays-Bas qui se retrouvent. Enfin, de toute façon, qui se retrouve premier et qui va aller donc en finale de cette Coupe du Monde. L'autre match oppose l'Autriche à l'Allemagne de l'Ouest. Et là, petit. Ouais, c'est un petit. Bah, disons que l'Autriche est complètement éliminée, elle avait deux Ouais. défaites avant. Moi, j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps de ce match. Et clairement, on voit que les Allemands sont complètement cuits. Et surtout que les Autrichiens avaient vraiment mis un point d'honneur pour gagner ce match-là. Voilà. Tu sens que... Ils avaient envie quand même de pas repartir bredouille, quoi. Ouais, puis face à l'Allemagne, c'est toujours un peu pour eux une référence de Voilà, gagner. c'est vrai. Et Et ben vraiment, moi j'ai vu les buts. Et il y avait vraiment, il y a rien à dire sur ce match-là. Les Autrichiens, ils avaient plus d'envie. Ah, bien sûr. Et ils étaient vraiment bien. Et ben, il y a Kranjčel qui fait un très bon match. Moi, j'ai vraiment vu la vidéo là. Ouais. Il y a quoi, 15 jours. Et on voit vraiment, c'est les Allemands, ils savent que c'est mort pour eux et voilà. Et malgré tout, l'Autriche, malgré sa victoire, terminera dernière de ce. Bah, égalité de points. Bon, certes, quatrième avec la différence de but défavorable de moins 4. Voilà. Mais à égalité de points avec la RFA qui elle a que 2 points et qui est à moins 1 en différence de but. Et ces deux équipes qui se rencontreront 4 ans plus tard pour le match, le match de la honte. Hein, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc ça, on en reviendra, on vous en dit pas plus pour ceux qui connaissent pas. Quand on fera la partie sur le France, sur le Coupe du Monde 82, on reviendra dessus. Mais ce n'est pas le match, ils appellent ça un match de la honte, mais il y a pire, vous allez voir. On va tout de suite passer au groupe B. Avec donc l'Argentine, le Brésil, la Pologne et le Pérou, un groupe B qui sent très bon le foot sud-américain. Mmh. Et donc, première journée avec le Brésil qui bat le Pérou 3-0. Ouais. Bon, bah, le Pérou hein, qui peut déjà dire au revoir à cette Coupe du Monde. Là, de toute façon, ils vont faire chou blanc, ils vont faire chou blanc hein, sur cette deuxième partie. Ensuite, l'Argentine qui bat la Pologne 2-0. Ouais. Bon, logique. Pourtant, la Pologne... Bah, hein, là, ouais, c'est une victoire, mais comment dire, une victoire réelle. Réelle, logique, réelle. Voilà, contre une, quand même une équipe de Pologne qui a terminé troisième lors de la précédente Coupe du Monde. Une équipe de Pologne très forte dans les années 70-80. Hein, c'est quand même une équipe assez redoutable quand même. Oui, avec des très bons joueurs. Voilà, il y a Lato, il y a Boniek. Lato, ouais. Hein, c'est ça, il y a Boniek, il y a peut-être Zarmak aussi, non, qui joue. Zarmak, qui commence un peu à être titulaire là, oui. Voilà. Et non, donc mais... lors de la deuxième journée, d'ailleurs, la Pologne battra le Pérou 1-0. 1-0, ouais. Voilà. Donc ensuite, l'Argentine et le Brésil, grand match, vont faire 0-0. 0-0, donc du coup c'est le Brésil qui est en ballottage favorable, voilà. Hein, qui est premier à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, on arrive donc à cette fameuse troisième journée où le Brésil va battre la Pologne 3-1 et 3-1. Voilà, donc là il y a un but assez impressionnant aussi. On parlait un petit peu de ce but de l'équipe de France qui avait pris qui avait marqué l'Italie contre l'équipe de France avec ce poteau voilà. Du billard, ouais. Là, c'est du billard multiplié par par 4. Parce que le Brésil va, avant de marquer le deuxième but par, je crois que c'est Roberto Dinamite qui doit marquer c'est bien comme ça qu'il s'appelle un Dinamite. Ouais, c'est ça. Ils vont toucher 3 fois le poteau et une fois la barre avant de pouvoir marquer ce but. Ouais. Si vous avez l'occasion de voir les images de ce Brésil-Pologne, franchement, c'est un but qui est assez drôle, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant de devoir toucher autant de fois le poteau en train de toucher la barre. Et moi, j'ai l'impression que dans toute cette Coupe du Monde, il y a eu énormément de poteaux, de barres transversales avant de marquer des buts. J'ai remarqué ça, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Et donc, le Brésil qui bat la Pologne 3-1, le Brésil qui est proche d'une finale en Coupe du Monde, proche de rencontrer les Pays-Bas, qui aurait été un très beau match, je pense aussi. Mm-hmm. Il faut que pour cela, l'Argentine batte le Pérou par plus de 4 buts d'écart. Plus de 4 buts. Plus donc 5-0, 6-1, quoi. Et là, je vous parlais tout à l'heure de cette Autriche-Allemagne de l'Ouest de 82 qui était classée comme le match de la honte. Mais là, je pense que celui-là, il est encore plus honteux. Je ne sais pas comment qualifier ce match-là. L'Argentine va battre le Pérou 6-0. Ouais. Mais sans les honneurs, car c'est un match qui est quand même très, très controversé. Si tu as quelques infos à nous dire sur ce match-là. Bah oui, enfin moi j'avais vu un reportage sur les Coupes du Monde qui était passé à la télé il y a deux ans à peu près, des années de toutes les Coupes du Monde. Ouais. Et voilà, clairement aujourd'hui, on sait très bien avec le recul que il y a eu un arrangement. Alors après, est-ce que c'est un arrangement entre les fédérations, le Pérou devait se coucher, hein, c'est clair. Mm. Que l'Argentine qui ne va pas en finale sous la dictature, enfin c'est impensable. Je pense que les joueurs en auraient payé, je pense. Oui, il y avait une pression même sur l'Argentine. Enfin, je pense qu'il y avait des intimidations un peu sur tout le monde. Et puis le Pérou clairement se sont couchés, ont laissé filer le match. Et puis on apprendra. Moi, j'ai appris ça dans la lecture de documents ou de reportages que j'ai vu là-dessus, que clairement Videla avait proposé au pouvoir péruvien que voilà, si le Pérou se couchait, il les débarrassait de leurs opposants à eux aussi. Voilà. Donc en fait, pour l'histoire, il se charge de faire exécuter par sa police 13 opposants péruviens à la dictature. Donc c'était Morales Bermudez, le président à l'époque chilien. Et il faisait, si tu veux, des vols de la mort. Donc si tu veux, il prenait des avions où il mettait les opposants de ce régime, de n'importe quel régime, hein, même du régime de l'Argentine, où ils administraient, ils faisaient croire aux prisonniers qu'ils étaient échangés dans une autre prison. Ils devaient leur injecter des vaccins, il paraît. Et en fait, ils leur injectaient des anesthésiants, en fait. Et au bout d'un moment, quand ils étaient bien shootés, en fait, ils les lâchaient en plein vol. Voilà. Ah ouais. Et donc, malheureusement, donc beaucoup d'opposants ont été tués lors de ce match. Hein, 13, voilà. Et donc, l'Argentine, sur l'accord entre les deux pays, va s'imposer 6-0. Voilà. Donc ça, on parle de match de la honte pour 82, mais pour celui-là, je pense que c'est même à puissance 10. Oui, mais parce que je pense qu'il y a aussi, bon, sans non plus faire du hors-sujet, mais il y a aussi une mauvaise explication des médias à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on te dit que l'Argentine, ils ont su se transcender devant leur public. Voilà. Et par contre, en 82, les journalistes étaient tous d'accord pour dire que oui, c'était le match de la honte parce que l'Algérie n'était pas qualifiée. Bon, après, chacun l'interprète comme il veut, mais je pense qu'il y avait aussi une grande méconnaissance et surtout... Voilà. Une grande complaisance journalistique en 78 parce qu'il fallait pas faire de vagues, il fallait pas trop critiquer l'Argentine non plus, il fallait se concentrer sur l'aspect sportif. Bah, si le journaliste voulait rentrer chez lui, je pense qu'il devait se coucher les décisions. Voilà, donc on occulte tout ça et on dit que l'Argentine a fait un super match, ils se sont transcendés. Aujourd'hui, on appellerait ça une remontada, n'est-ce pas ? Mais voilà, mais aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec ça, mais... C'est dommage parce que l'Argentine, moi je persiste à dire qu'elle avait quand même une belle équipe, on en avait parlé dans la première partie. Kempes, Passarella, voilà, il y avait vraiment une belle équipe et c'est dommage qu'ils aient eu besoin de ce genre de magouille pour aller gagner cette Coupe du Monde. Elle aurait peut-être pu la gagner, elle aurait peut-être pu gagner le Pérou 4-0 peut-être, je sais pas, mais... Ouais, mais 4-0 ça passait pas. Il fallait 5-0 à peu près, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, donc ça aurait été compliqué quand même. Elle aurait peut-être, au pire, terminé troisième de cette. Ouais, mais bon, ça l'aurait pas fait correctement, ouais, c'est sûr. Ah non, parce que Videla en train de remettre la Coupe du Monde au Brésil ou aux Pays-Bas, ça l'aurait foutu mal, ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc le groupe B est terminé. Donc les qualifiés pour la finale sont les Pays-Bas et l'Argentine. Mais juste avant, il y a le match de la troisième place entre l'Italie et le Brésil. Un très beau match. Qui va voir les Brésiliens gagner par 2-0, dont 2-1. Un but 2-1, pardon, excuse-moi, ouverture du score de l'Italie et égalisation exceptionnelle. Oui, Causio qui marque pour les Italiens. Et ensuite c'est Nelinho qui marque un but exceptionnel, celui-là, si vous avez l'occasion de le voir. D'ailleurs, je vais vous mettre le son là du commentateur brésilien. Et en fait, pour l'histoire, donc c'est même pas un centre, hein, c'est vraiment une frappe, près du poteau de corner. En fait. Voilà, près du poteau de corner qui va faire avec l'effet, va rentrer dans le but. C'est un but exceptionnel, franchement, celui-là. C'est un peu l'ancêtre de Roberto Carlos. Enfin, ouais, voilà, oui. Voilà. C'est vrai. Et Dirceu qui marquera le deuxième but, très joli aussi, hein, celui-là. Voilà. Et donc le Brésil qui termine troisième de cette Coupe du Monde. Voilà, ils avaient échoué en 74 contre la Pologne. Ils avaient terminé quatrième, là ils terminent troisième. Donc c'est. Ils ont quand même fait une Coupe du Monde correcte, les Brésiliens. Mais je pense qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils auraient dû être en finale normalement. Ben, s'ils n'avaient pas été dans le groupe de l'Argentine, oui. Ouais. Voilà, et on arrive à cette finale de la Coupe du Monde 1978 opposant les hôtes argentins aux Pays-Bas. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale, juste avant de parler du match en lui-même. Hein, c'est la première fois qu'il y a deux équipes qui n'ont jamais remporté de Coupe du Monde qui s'opposent en finale. Ouais. C'est la première fois qu'il n'y a pas le Brésil ni la RFA en finale. Ouais. Et et le Pays-Bas, c'est la troisième équipe, si je dis pas de bêtises, avoir perdu deux fois en finale après la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Voilà. Ouais, ouais, les Néerlandais qui se retrouvent encore en finale 4 ans après. Mais peut-être pas avec la même envie. Bah, disons que bah, ouais. Oui, ils n'ont pas eu de chance pendant les finales, parce qu'il y a toujours eu quelque chose contre eux. En 74, bah, ils jouent contre le pays organisateur pour la deuxième. En 74, rappelle-toi, on en parle assez, ils ont perdu la finale. Ils l'ont perdu avant cette finale. Ils ont eu un peu de l'intimidation de la part des Allemands. Oui, puis il y a eu encore pareil, ils ont réussi à déstabiliser Cruyff. Voilà. Par rapport à sa vie privée. Sans croire qu'il avait une maîtresse, hein, ils avaient publié des photos avec une autre femme. Enfin voilà, c'était le gros souci en 74, juste avant la finale. Et là, par contre, donc les Pays-Bas qui affrontent le pays hôte, et pareil, ils subissent beaucoup d'intimidation de la part des supporters argentins. Le match est même décalé un petit peu, parce que les Argentins essayent de tout faire pour que le public monte en pression et trucs comme ça. Mm-hmm. Les joueurs ont peur, ils se disent de toute façon on pourra jamais gagner cette finale, parce que si on la gagne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la sécurité, elle est aux abonnés absentes, il y a presque pas de sécurité dans le stade. À tout moment, si les Pays-Bas gagnent, il y a un envahissement de terrain, ça peut se terminer dans le sang. Donc c'est malheureusement une finale qui est gagnée d'avance. Mais si tu veux nous parler un petit peu de cette finale, donc un partout à la fin du temps réglementaire. Kempes ouvre la marque à la 38e pour l'Argentine. Ouais. Vamos Tarantini, lleve Gallego, juegue para Tarantini, vuelve para Gallego, cuidado, cuidado, pelota para Ardiles, cuidado, se la lleva Ardiles entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Et Naninga qui égalise à la 82e minute. Mmh. Alors juste pour la composition d'équipe, si tu veux en parler, oui. Voilà, il y a quand même du beau monde, hein, notamment il y a Kroll en défense centrale chez les Pays-Bas, Janssen, Brands, Poortvliet, au milieu de terrain Niskens, Ariane et Willy van de Kerkhove. Et en attaque, il y a trois attaquants. René Van de Kerkhove, Johnny Rep, qu'on connaît bien en France. Bien sûr, qui joue à Bastia. Ren Zenbrick, qu'on connaît aussi. Qui joue à Toulouse, ouais. Voilà. Et de l'autre côté, donc Filiol dans les buts, Tarantini, Passarella, Galvan et Holguín, Gallego en sentinelle, Ardiles, Kempes en milieu offensif, et trois attaquants, Ortiz, Luque, Bertoni. Voilà. C'est ce qui se fait mieux dans le football, en fait, presque. Oui, Ardiles, Kempes, c'est quand même... mais il y a une belle équipe d'Argentine quand même, une très belle équipe des Pays-Bas. C'est dommage que Cruyff ne soit pas venu, parce que ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que si Cruyff avait été là, il avait été en 74, je pense qu'il était aussi bon en 78. Je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Donc on avait dit un partout jusqu'à la fin de la la fin du temps réglementaire. On va aller en prolongation. Ouais, et à la 105e minute, Mario Kempes marque le deuxième but, donne l'avantage aux Argentins. Pide pelota larga, Coucheman. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempes, se le tira el área, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Et Daniel Bertoni à la 115e vient enfoncer le clou, 3 buts à 1, score final. Juega Tarantini, Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. L'Argentine qui est championne du monde dans un stade rempli de papelito et de, ouais. de ça c'était bien pas voilà et la folie argentine. L'Argentine qui reçoit donc la Coupe du Monde des mains du général Videla, le Pays-Bas qui préfère alors je veux pas dire snobber la médaille d'argent, ouais. Il préfère ne pas assister à la remise des trophées parce que ils pensent qu'ils ont été un petit peu lésés lors de cette finale, je pense aussi. Ouais, après, enfin moi je peux le comprendre parce que je pense que quand tu perds une finale, t'as pas envie de faire tapisserie, voilà, et de voir les autres exulter. Moi, je sais que en tant que joueur modeste que j'ai été, et puis même aujourd'hui, quand on va, on a tous des gamins qui jouent au foot, oui. C'est pas être mauvais perdant, mais voilà, moi, quand j'ai perdu, je rentre au vestiaire et on passe à autre chose. Je vais pas rester là devant. Voilà. D'ailleurs, j'avais pas compris. Je suis juste hors sujet. Domenech en 2006, qui était resté voir le feu d'artifice là. Tu te rappelles ? Oui. Pff, et ça, le journaliste lui dit, mais pourquoi vous êtes resté ? Il dit, oh, c'est beau le feu d'artifice. Et puis après, il nous a fait sa demande en mariage. Là. Non, c'était l'année. Ça, c'était 2 ans après. Hein, c'était en 2008. Ah, excuse-moi. Enfin bon, c'est. Une bande de voilà. Plus, moi, quoi. Je pense que. Bon voilà, je pense que les Pays-Bas ont voulu montrer que voilà, c'était tout ça, c'était du bidon cette Coupe du Monde, parce que ça reste du bidon. C'est pour ça que même moi, je suis partagé par rapport à cette Coupe du Monde, parce que je reste fasciné par l'ambiance, l'engouement. Il faut parler de ces stades aussi, ouais, les stades à ciel ouvert comme ça, il n'y a pas de toit à l'époque, c'est des stades, stades à sud-américains avec une ambiance exceptionnelle, quoi. Non mais voilà, c'est vrai, on peut pas rester insensible à ça de toute façon. Non, voilà, on peut pas l'oublier. Et l'Argentine 78, ça restera. D'ailleurs, moi, j'ai eu, quand j'étais gamin, en cadeau d'anniversaire, à l'époque, j'avais eu le ballon de la Coupe du Monde 78, ouais. Le Tango. Bon, je l'ai toujours, hein. Bon, il est mort, la valve a pété, mais je l'ai toujours. Ouais. Je peux plus rien en faire, mais il est dans mon garage. Mais voilà, moi, ça reste mythique pour moi, cette Coupe du Monde, cette équipe d'Argentine. Mais voilà, aujourd'hui, étant adulte, bah, tu te dis, ouais, c'était quand même une sacrée merde, cette Coupe du Monde, parce que tout était arrangé. Les arbitres étaient certains corrompus, les joueurs du Pérou se sont couchés. Voilà, c'est donc je comprends que les Pays-Bas ils ont snobé le protocole parce que pour eux ils voulaient pas être les dindons. Puis certains avaient dit de toute façon ils savaient qu'ils avaient perdu au début du match de toute façon, ils savaient que c'était fini pour eux, que tout pouvait se passer pendant le match. Ouais. Ce qui s'est malheureusement passé. Meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Mario Kempes avec 6 buts. Ouais, tout à fait. Voilà, suivi de Cubillas, le Péruvien, avec 5 buts. Et puis, c'est bien parce que Pérou, ils se sont fait défoncer au deuxième tour. Vrai, et ils avaient marqué. Cubillas finit quand même deuxième buteur. Deuxième meilleur buteur. Deuxième égalité avec Resembric. Ouais, voilà. Tout à fait. Et si, il y a un petit truc à dire aussi, c'est qu'il y a eu des suspicions de dopage. Alors, on l'avait pas su tout de suite. Donc, fallait passer. Alors, bon, c'était des tirages au sort 15 minutes après les matchs. Deux joueurs devaient passer au contrôle antidopage. Il y a eu un cas qui avait été détecté, c'était l'Écossais, c'était Willie Johnston, qui avait été contrôlé positif lors de Pérou-Écosse. Ouais. Et en fait, Kenny Dalglish, Dalglish, hein, c'est ça, Kenny ouais. Dalglish, et puis Archie Gemmill qui avait été tiré au sort. Mais en fait, c'est Johnston qui remplace Gemmill, qui prétend être déshydraté. Ouais. Qui peut pas, voilà. Et donc, le premier échantillon de Johnston est positif à l'amphétamine. Donc, il est renvoyé directement en Écosse sans savoir, enfin, sans explication. Il le renvoie chez lui. Et en fait, les amphétamines avaient été prescrites par son médecin de club. À l'époque, il jouait à West Bromwich. Ouais. Et il disait qu'en Angleterre, c'était monnaie courante dans le championnat anglais de prendre des amphétamines. Voilà. Mais on ne sait pas, c'est pas aller plus loin, quoi. Oui, mais de toute façon, on a vu. Bon, ça a été mis en place depuis 66, hein, les contrôles antidopage. Voilà, ouais. Mais on sait très bien que en 82, les Allemands étaient shootés, hein, surtout contre la France. On en reparlera. Et puis on se rappelle en 90 l'histoire de la bouteille entre l'Argentine et l'Italie, hein, ou le Brésil, je sais plus. C'était Brésil-Argentine. Ouais, Brésil-Argentine. C'est Maradona qui avait avoué pendant une interview qu'une des gourdes avait été empoisonnée, bah, en fait. Ah bah tu le vois, tu le vois, t'as un Argentin qui est blessé, le médecin arrive, le gars, l'Argentin veut prendre la valise. Boire la bouteille, il l'autre prendre, dit non, prends pas celle-là. Pas celle-là. C'est fou, c'est quand même fou, quoi. Il la donne au Brésilien, voilà. Qui le remercie, il dit putain, ils sont gentils, ces Argentins. Non mais voilà, c'est fou, quoi. C'est fou, ouais. Voilà, bah écoute, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde 78 qui aurait pu être belle, mais malheureusement avec tous ces problèmes en dehors, la rendent, comment on pourrait dire, bizarre, la rendent... Ouais, c'est un goût amer, hein, quand même. C'est un goût amer, voilà, c'est ça le problème, c'est que il y a trop eu de choses pas nettes. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, après... je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Toi, je te remercie déjà d'avoir participé à cette Coupe du Monde 78. Bah, on se retrouvera tous les deux pour la Coupe du Monde 82. Là, il y aura beaucoup de choses à dire. Oui. Juste avant de nous quitter, alors je m'excuse d'avance, hein, si vous n'avez pas eu beaucoup de sons en français lors de la deuxième et puis peut-être celui-là, car je vais vous avouer le truc, c'est que TF1 et l'UEFA ont mis leur veto sur beaucoup de vidéos. Que TF1 avait publié à l'époque, je n'ai pas pu récupérer les sons. Donc ça fait un podcast, un rétro-podcast un petit peu vide, sans son, c'est pas génial, mais je peux pas faire autrement. Mais pour 82, rassurez-vous, vous retrouverez tous les sons d'époque qui avaient été commentés par notamment par Thierry Roland. Voilà. Et donc merci à tous de nous avoir suivis, merci Rétroplay, puis à très très bientôt alors. Merci, à bientôt. Salut. Ciao.